myself control. c'est casse ça. Pas bien, merde. Qu'est-ce que c'est chiant ça? Oh, je la recommence. On the night is my world. City life, painting girl. In the day. Thank you.

Pourrait se refaire, tiens. C'est un morceau. J'en avais un, mais on avait essayé la dernière fois, puis ça avait pas trop bien marché. C'était Kim Wilde. Je sais pas si j'avais gardé les paroles, mais je sais pas, vous aimez Kim Wilde? Attends, c'est pas sacré. Cambodja. Fulzi Kim, ouais. Ouais, c'était. Comment ça sentait ça? Bah, si vous aimez, hein. Kim, Cambodja. Je me rappelle plus quelle tonalité c'était. Attends, je cherche les paroles. Ou le rythme, on s'en fout, ça me va. Moi. Ah, batteur a changé. Thank you. des vrais. Oui, un seul passe. Je suis nul en anglais, mais bon. J'aime bien la chanson, j'aime bien la fille. Ouais, c'est ça. Putain, pas mal aussi. Hein. Est-ce que tu sais le faire, le truc, là? J'aime bien ça. Allez, ça part en mi, hein. C'est pas gentil, Phil. Eh, c'était une belle femme, hein. Je dédicace cette chanson à mon frère Fred. Comme tu le sens. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas les mêmes accords. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est parce que c'est pas les mêmes accords. Ouais, c'était un break sur le solo. Bon, là, on l'a refait vite fait. Mais moi, je reste tout le temps sur les mêmes bases, alors tu fais un solo comme tu le sens. fais un couplet, refrain. Couplet, refrain, après je te laisse faire le solo que tu veux. Tu montreras peut-être un peu ton son. Ouais, y a pas de refrain, t'as raison. Bon allez, j'y vais. Faites ce que vous voulez. Moi je fais un couplet, un refrain, et après faites ce que vous voulez. Et après vous arrêtez. Ça va être une version maxi 45 tours, je le sens. Thank you. Blonde. Et celle-là, elle était pas mal aussi. Version spéciale, mais c'est pas grave, on s'adapte. Je connais pas les accords. Pas ton truc. Moi aussi j'ai une fille. Ça fait aigu pour moi. Faire tout ensemble, hein, ça. Les pays, je sais pas combien il faut là. Attends, ça doit faire. Thank you. pas compté. 40, non? Je suis pas sûr. Hein. Je repars à 1, mais c'est pour compter. Hein. J'ai compris ton message. Come on. Pas en train de chanter ou j'arriverai pas à chanter. Thank you. Ah putain, je voulais t'en faire une chanson encore de bien pour. Bon, juste une dernière, après j'arrête de casser les couilles. Tac, comme ça tu m'entends plus facile. Une dernière casse-couille. Je change le tempo. Ouais, je sais. Je vais écouter tes petits soucis. Alors attends. Là, c'est toujours pareil, mais je sais pas comment on peut faire un refrain. De ce temps-là, je n'entends plus ma voix. De ce temps-là, je ne guide plus mes pas. De ce temps-là, je sais que je vais. Je règle un truc. Merde. On est sur quoi comme serveur? Bon bah là. J'ai pas besoin de... Salut. Je suis encore sur ma chanson. Phil, il vient juste de partir. Je sais pas où il est. fait un peu plus frais. Ce n'est pas que le temps soit mauvais, mais il est vrai que je me perds dans ce monde imparfait. Ni meilleur ni plus laid, mais juste un pâle reflet de là-haut. Peux-tu me dire si les mots sont plus beaux? Peux-tu me dire si l'air est aussi chaud? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu entends tous mes mots? Peux-tu me dire si l'air sent c'est plus beau? Peux-tu me dire si l'air souffle est plus chaud? Si tu réconfortes là où il t'emporte. Ah, il est revenu, il a été cherché. Il a été prendre un enfant par la main. Qu'est-ce qu'il fait, Phil, là? Ça marche. Andalousie. Non.